Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. Mais cesse de faire le point sur plus que le point. Bouge ta retraite, ton conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ce qui t'en est aujourd'hui, t'en jugerai. Tu bosses toute ta vie pour payer ta peine ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches à l'air au bureau dans les couloirs du métro. Les gens ne te bougent pas, ne te perds pas de savoir. Dans ton désespoir, on te roule pas d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. J'essaie de faire le point, serre juste les poings. Bouge ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Écraser les gens et les buts ton passement. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens.